Bonjour, bienvenue à l'émission Connaître ensemble pour tout connaître sur la périnatalité. Je serai votre animatrice comme à chaque semaine, Mélina Fertongui, avec mon équipe aussi en studio. Aujourd'hui, on parle de l'expérience de maternité on va le dire plus tard. Et puis, on va parler aussi d'adoption. Alors, bonjour les filles, vous êtes deux étudiantes de la cohorte de la première année. Marie-Josée Lewis. Bonjour. Et Guylaine Dubé. Salut. Alors, juste pour présenter Marie-Josée Lewis, tu as fait un mémoire, en fait, sur la maternité. Peux-tu nous dire le titre de ton mémoire? L'expérience de la maternité des Ouagalaises, d'une génération à l'autre. J'ai fait ce mémoire-là à l'Université de Montréal, puis il est en cours d'évaluation. Oui, et puis Guylaine, vous êtes mère de 8 enfants. Oui. Et seulement. Seulement 8 enfants, dont 6 adoptés. C'est ça. De l'international. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, un peu le thème, on va parler des enfants, de la maternité à l'international et dans le fond, de ces projets que vous avez eus, ces projets d'études et ces projets de vie que vous avez eus avant et aussi pendant vos études en pratique sage-femme. Alors, on va commencer avec Marie-Josée. On aimerait en connaître plus sur le travail que tu as fait. En fait, d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la maternité africaine? Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette étude? En fait, moi, j'avais fait déjà 2 séjours au Burkina Faso en 1997 et en 2000. Donc, je suis littéralement tombée en amour avec les Burkinabés. Puis, comme vous le savez sûrement, pour faire une maîtrise, il faut que tu prennes un sujet qui te passionne. Donc, j'ai décidé de travailler sur le Burkina Faso et aussi sur la maternité, deux passions qui sont présentes chez moi. Puis, je voulais en fait travailler sur un côté positif de l'Afrique, du Burkina Faso, parce qu'on traite souvent les côtés négatifs comme la sous-alimentation, l'analphabétisation, tout ça. Donc, je me disais que parler de la maternité comme quelque chose de positif, c'était pour enrichir notre réflexion au Québec sur la maternité. Wow! Dans le fond, ce mémoire-là, combien de temps as-tu travaillé sur ce projet? 3 ans. Je viens toujours de déposer en août. Donc, puis mon séjour terrain a duré 3 mois. Wow! 3 mois! Qu'est-ce que tu as fait sur le terrain? Quelles ont été tes approches? Bien, moi, j'ai été accueillie par une université là-bas. Principalement, j'ai fait de l'observation dans les maternités, l'endroit où les femmes accouchent. J'ai fait des entretiens, j'en ai fait 34. J'ai fait des rencontres aussi, 10 rencontres avec des sages-femmes, des maïticiens. Ça, c'est des sages-hommes, finalement. Puis avec des accoucheuses. Puis je me suis imprégnée de la culture locale, là. J'ai par des rencontres au hasard comme ça, puis dans la famille où j'habitais aussi. Ah, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur le contenu? C'est quoi les sections de ton travail? Mais moi, je me suis intéressée à l'expérience globale. Je voulais pas séparer ces thèmes-là. Donc, je me suis intéressée... J'ai fait enfin une histoire de vie pour chaque femme avec laquelle je me suis entretenue, mais j'ai focusé principalement sur le vécu de sa première grossesse, de son premier accouchement, puis de la première période postnatale. Ouais. OK. On a déjà hâte d'en savoir un peu plus sur le contenu. Donc, d'abord, tu parles des croyances, des rites reliés à la naissance qui sont peut-être un peu méconnus de nos auditeurs. Peux-tu nous parler un peu de ces rites-là? Bien, premièrement, il faut savoir que la conception de la vie au Burkina Faso peut être différente d'ici. Ils ont une conception de la vie cyclique. Donc, la femme qui est enceinte, c'est qu'un esprit, un ancêtre rentre dans le corps de la femme puis devient un enfant, un fœtus, puis la femme accouche de cet ancêtre-là. Donc, les rituels reliés à l'accouchement puis à la maternité, c'est lié au fait de convaincre l'ancêtre de rester dans le monde des vivants. Parce que c'est une dualité, il y a le monde invisible, des non-vivants, puis le monde des visibles, des vivants. Donc, l'enfant viendrait du monde d'invisible pour passer au monde des visibles. Donc, la femme, il faut qu'elle convainque son bébé de rester parmi nous, puis pas de retourner dans l'au-delà, le monde des ancêtres. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que, premièrement, on va enterrer le placenta avec un rituel. Elle va faire des genouflexions, on va faire des chants, on va l'enterrer derrière la case. La case, c'est la maison, c'est où ils habitent. Parce qu'on va penser que le placenta, c'est le gémellaire de l'enfant. Donc, il faut qu'il soit traité avec tous les soins puis tout le respect qu'il se doit. Ensuite, il va avoir le baptême de l'enfant qui va se passer 7 jours après la naissance. À ce moment-là, on va lui raser les cheveux qu'on va conserver pendant plusieurs années. On va lui donner son nom. On va faire une grande fête soit c'est des chrétiens ou chez les musulmans, la fête est semblable. Puis après aussi, qu'est-ce qui est très, très important, c'est la toilette de l'enfant qui va s'étaler jusqu'à environ un an où on va faire la purge. Aussi, il va avoir le soin du cordon ombilical. Le cordon ombilical aussi, comme les cheveux, on va le conserver, puis après, on va faire des pratiques. C'est exemple, l'enfant est malade, ou ça va être comme un porte-bonheur pour l'enfant. On va conserver ses cheveux, ses cordons. La conservation de son cordon, de ses cheveux, ça va être un porte-bonheur. Un porte-bonheur, puis aussi, ça va être une forme de protection à l'enfant. Ça va être une forme aussi, si exemple, il est malade, le cordon, on va parfois le coller sur ses yeux, c'est des problèmes de yeux, c'est des problèmes de poumons, on va faire des cérémoniales avec ça pour le libérer des sécrétions, des trucs comme ça. Je pense qu'on peut nommer aussi où se situe le Burkina Faso par rapport à la mortalité infantile ou la mortalité des mères. Mais c'est certain que moi, c'est un sujet que j'ai pas voulu trop traiter dans mon mémoire parce que je voulais m'intéresser à quelque chose de positif. Puis la littérature est très, très forte sur la mortalité maternelle et infantile, mais la mortalité maternelle est fortement présente, puis la mortalité infantile aussi. C'est en amélioration de plus en plus parce que les femmes rentrent de plus en plus dans les centres hospitaliers pour accoucher. Contrairement ici, on pousse davantage, les sages-femmes poussent davantage pour que la naissance se passe dans les centres hospitaliers, les maternités, qu'à la maison, parce que souvent à la maison, il n'y a pas les outils pour, il n'y a pas de professionnels de la santé, il y a des pratiques rituelles qui sont souvent néfastes. On associe souvent pratiques rituelles à quelque chose de positif, mais il y en a aussi qui peuvent être néfastes pour la mère et l'enfant. Donc, c'est en amélioration, mais c'est toujours très, très élevé. Oui, c'est ça. En fait, on parle de pratiques rituelles. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ces femmes-là, autour, comment dire, autour de la... de la grossesse, qu'est-ce qui va être particulier dans le sens où vont-elles être, avec qui vont-elles être, qui va avoir de l'influence sur la grossesse? Bien, il faut savoir que la société burkinabé, c'est une société patriarcale. Donc, dès que la femme est en grossesse, généralement, elle va déménager dans sa belle famille. Puis, au milieu de sa grossesse, elle va vivre le reste de sa grossesse sous les conseils et les bons soins de sa belle-mère. Puis, durant l'accouchement, c'est généralement la belle-mère qui va l'accompagner à la maternité. Si c'est pas une belle-mère, ça va être quelqu'un de la belle-famille ou du voisinage. Puis, après la maternité, quand la femme va rentrer avec son enfant, elle va s'installer encore dans sa belle-famille pour au moins un an, pour que sa belle-mère lui transmette tous les secrets et les astuces de la maternité, puisque justement la toilette rituelle qui est très importante, de 0 à 3 mois, la mère biologique ne donnera pas le bain à son bébé. Ça va toujours être la belle-mère, puis c'est par apprentissage, par mimétisme, que la mère biologique va apprendre à donner les soins à son enfant. C'est seulement, dans les 3 premiers mois, la mère va seulement s'occuper, finalement, de nourrir son enfant, de créer un lien d'attachement. Mais c'est tranquillement, tu sais, elle sera pas abandonnée. C'est toujours par solidarité que les femmes travaillent. Donc, elle va être soutenue dans ce processus-là d'apprentissage de la maternité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait plutôt de qualifier de néfaste dans... parce que là, on parle des pratiques qui sont une forme solidaire de pratique et qui vont être très encadrées. Est-ce qu'il y a des choses qui, par contre, vont nuire à ces femmes-là? Je pourrais parler particulièrement chez les enfants, ou je peux parler aussi chez les femmes, mais chez les enfants, les pratiques néfastes, il y a bien sûr l'excision, il y a les scarifications au niveau du visage aussi. Scarification? Ça veut dire qu'ils vont faire des légères incisions au niveau des joues, puis ils vont y mettre de la pommade pour le protéger des génies, des esprits maléfiques. Puis aussi, c'est une forme de reconnaissance entre les ethnies. Ça peut être néfaste. Il y a aussi la purge qui est assez néfaste aussi pour les enfants. La purge, c'est une décoction qu'ils vont préparer de différentes tisanes puis qu'ils vont injecter dans l'anus de l'enfant pour le libérer de ses premières selles. Donc, ça peut entraîner la mort de plusieurs enfants. Maintenant, la parturiente, en fait, comment est-ce que... son accouchement se déroule-t-il parfois en fonction de ses croyances? Quelles croyances ont-elles qui peuvent différer de ce que nous, on vit ici? Mais c'est sûr que nous, ici, quand on pense aux sages-femmes, on pense à un accompagnement, un soutien, un partage avec la femme qui nous accompagne, la sage-femme qui accompagne la femme qui accouche. Tandis que là-bas, la sage-femme, c'est plus une infirmière qui a moins de rapport. Elle n'a pas un rapport privilégié avec la femme qui va accoucher. Parce que, exemple, dans une maternité, il peut y avoir 5-6 femmes qui vont accoucher, puis il va y avoir seulement une sage-femme de garde. Donc, la sage-femme doit se partager tous les accouchements, même si ça a une aide d'une accoucheuse, comme une, c'est une forme d'aide en natalité ici, là. Donc, c'est assez difficile pour les sages-femmes. L'expérience, c'est la femme est souvent livrée à elle-même. Dans ses douleurs, parce qu'il y a pas de cours, il y a pas de cours prénataux non plus. Tout à l'heure, on parlait de la transmission de la maternité, mais les femmes, avant leur accouchement, n'auront pas parlé avec leur belle-mère ou leur vieille, comme on dit là-bas, là, de qu'est-ce qui va se passer. Donc, souvent, elles sont même pas conscientes. Il y a des femmes qui me disaient, des femmes de 45 ans, qui me disaient que quand elles sont arrivées à leur accouchement, ils n'avaient pas enlevé leur petite culotte parce qu'ils ne savaient pas par où l'enfant passait. Donc, il n'y a pas de transmission sur ce côté-là. Donc, c'est une grosse surprise pour la femme à l'accouchement. Elles sont souvent déstabilisées. Mais il y a souvent une accompagnante qui va les suivre dans la salle d'accouchement. Plus anciennement, moins aujourd'hui. Il va y avoir moins d'accompagnantes dans les salles d'accouchement. Mais c'est ça. Ils apprennent finalement par l'expérience. Là. Et puis, comment gère-t-elle la douleur? La pression sociale est très forte. Donc, la femme qui accouche doit justement gérer bien sa douleur, doit pas crier, parce que on croit que le fait de crier, ça appelle la mort vers nous. Le fait que la bouche soit ouverte, la mort peut y entrer. On dit qu'une femme qui accouche est ouverte à la vie, mais aussi ouverte à la mort. Donc, même anciennement, on mettait parfois des rubans autour de la bouche pour pas que la femme crie. Donc, la femme doit contrôler ses cris, mais ceci dit, j'en ai vu des femmes qui criaient, puis des femmes qui manifestaient leur douleur, mais c'est pas bien vu. La femme doit se contrôler. On parlait tout à l'heure d'accompagnante. Quel est son rôle d'une accompagnante là-bas, comparativement à ici, un peu? Bien, l'accompagnante, en fait, c'est bien, peut-être ici aussi, là, mais c'est une femme de l'entourage, c'est souvent la belle-mère. L'accompagnante, elle accompagne pas toujours dans la salle d'accouchement. Elle va accompagner surtout dans le début des douleurs, mais elle rentre pas au moment de l'accouchement. L'accompagnante, ce qu'elle va faire, c'est qu'après que la femme a accouché, elle va lui préparer sa nourriture. Ils vont rester environ 3 jours à la maternité. Elle va lui préparer sa nourriture, elle va donner les premiers soins à l'enfant, elle va s'assurer que la femme dort bien. Elle va veiller finalement à ce que la transition d'être enceinte à avoir un bébé se déroule dans la plus grande délicatesse puis le plus grand respect. Là. Elle va être au petit soin, finalement, de la femme. Peux-tu nous parler un peu plus de la transmission, de la préparation là-bas à l'accouchement? La transmission, mais l'apprentissage de la maternité se fait durant l'expérience, mais comme tout à l'heure, je parlais, là, c'est une grande solidarité des femmes. Donc, c'est la belle-mère qui va transmettre tous les acquis à sa belle-fille. Puis... Merci. Est-ce que, dans le fond, quels sont les autres professionnels? On a parlé des sages-femmes. Mm-hmm. Peut-on distinguer le rôle accoucheuse? Dans le fond, ça va être des assistantes? Oui, ça va être des assistantes. Puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a parfois une sage-femme pour 5 femmes qui accouchent. Donc, l'accoucheuse... légalement, n'a pas le droit de faire les accouchements, mais pratiquement, elle le fait, là. Elle va être une soutien aux femmes qui vont accoucher. Puis quand la sage-femme va être prise avec une autre femme, elles vont faire les accouchements, elles vont rassurer les femmes. Elles feront pas d'injection ou de points de suture ou d'épisiotomie, parce que le taux d'épisiotomie est très élevé à cause des excisions. Donc, puis aussi, il y a les gynécologues, mais les gynécologues, c'est très rare. Je pense que si je ne me trompe pas, je pense qu'il y en a juste 15 au Burkina Faso. Donc, c'est vraiment en cas extrême qu'on va avoir à faire un gynécologue. Puis aussi, une chose assez intéressante que je peux rajouter, une anecdote. Les femmes là-bas ont très peur de la césarienne. C'est vraiment quelque chose qu'elles ne veulent pas vivre, premièrement par les coûts que ça engendre, parce que là-bas, eux, ils payent pour les soins de santé. Donc, la césarienne, ça fait que ça augmente les frais de ton accouchement, mais aussi... par l'intervention chirurgicale. Donc, les femmes, quand elles sont au travail puis elles veulent pas pousser, les sages-femmes vont utiliser la menace de dire « Si tu pousses pas suffisamment, ben il va y avoir une intervention. » Mais là, c'est instantané. Là. Les sages-femmes me disent « C'est instantané. La femme a tellement peur de vivre une césarienne qu'elles vont pousser, puis là, la libération va se faire, puis le bébé va sortir. » Donc, le fait quand même d'avoir un stress va les aider à accélérer l'accouchement? Oui, oui. L'accouchement ici se fait pas dans la même... comment puis-je dire, pas la même délicatesse qu'ici par rapport aux sages-femmes. Là. Il y a, La culture est différente, donc c'est des femmes qui sont habituées d'être dirigées, qu'on lui explique fortement quoi faire. Donc oui, la menace va être utilisée, parfois même les incitations verbales et parfois physiques de pousser davantage. Mais ça peut être difficile à entendre pour les auditrices et pour vous ici, mais c'est quelque chose que j'ai compris avec l'observation, que cette autorité-là de la sage-femme est nécessaire pour que l'accouchement se déroule bien. Parce que, c'est ça, les femmes, dans le fond, sont habituées de recevoir... D'être infantilisées aussi, oui. Là. Sont habituées d'être dirigées par leur belle-famille, leur famille, leur conjoint. Mais il ne faut pas penser non plus que la femme a conscience de sa force, mais est habituée de se faire diriger. Donc, en dirigeant pas, tu laisses la femme, puis surtout qu'elle n'a pas eu de cours prénato, donc elle sait pas trop comment ça va se passer. Donc, l'autorité va aider les femmes à pousser. Puis il y a même des femmes, des jeunes femmes qui ont accouché qui me disaient que ça les avait aidées. Mais parle-t-on d'un accouchement qui est long ou on parle de la majorité, la normale des accouchements? Moi, je dirais la normalité. J'ai lu ça dans la littérature. Je l'ai vu par les observations, par les entretiens, puis par les entretiens informels que j'ai vus, puis que j'ai faits. Donc, oui, je pense que c'est la norme. Mais ça peut être quelque chose de très blessant, mais c'est pas tout à fait négatif. Oui. On peut comprendre le contexte culturel. Mm-hmm. Une question plus sur toi. Dans le fond, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement d'aller comprendre cette réalité des maternités au Burkinabé? Mais c'est sûr que c'est un grand cadeau d'avoir accès à cette expérience-là des femmes. C'est une trentaine de femmes qui t'expliquent leur vie, qui prennent leur temps de te partager toutes ces émotions-là avec toi. Ça m'a apporté, je dirais même que ça a transformé ma vie. Ma vie a été transformée en 97 quand je suis allée au Burkina Faso parce que ces gens-là sont tellement généreux. L'amour, le partage est très présent. Donc, puis... Travailler sur la maternité, ben ça m'a ouvert encore plus sur les différences, sur l'approche, sur la relation d'être, sur le respect d'autrui aussi dans les pratiques, de respecter qu'est-ce que les autres veulent. Puis pas toi, qu'est-ce que tu veux. C'est pas tes besoins à toi qui sont importants, c'est leurs besoins à eux. Puis d'être toujours aussi en processus d'humilité devant cette grandeur-là qui est l'accouchement et la maternité. C'est sûr que ça a été un gros point pour ma réflexion pour rentrer en pratique sage-femme. Et ouais. Qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu retourneras en Afrique? Oui, je retournerai. J'aimerais peut-être, possiblement, retourner pratiquer là-bas, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça serait plus quand je vais avoir une quarantaine d'années, là, 40, 45 ans. Mais c'est sûr que une fois dans ton cœur, le Burkina, ça peut pas s'en aller. L'Afrique, quand rentre dans tes veines, puis ça sort plus, là. Ouais. Wow! Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. On va d'ailleurs avoir une chanson qui est très en lien avec notre sujet, qui est une chanson, son artiste Kantala. Alors, c'est un joueur de kora. Est-ce que tu peux nous dire c'est un instrument? Oui, c'est une guitare avec de fines cordes. C'est ça, oui, c'est un instrument de musique. Alors, elle est inspirée du patrimoine... C'est Noufou. Merci pour les prononciations. En fait, c'est un groupe ethnique du Burkina Faso. Alors, on va entendre Burkina Kadigné. Vraiment. Mais merci, Marie-Josée. Donc, on y va avec la chanson. Amina ko mindi sanakela ukamu. De retour à l'émission Connaître ensemble pour tout connaître sur la périnatalité. Vous pouvez nous écrire à connaître.co-naître.ensemble@uqtr.ca si vous avez des commentaires et suggestions. Alors, nous continuons avec Guylaine. Guylaine, qui a eu, en fait, qui va nous parler de son expérience de l'adoption. Guylaine, alors, tu as adopté 6 enfants. Oui. 6 enfants qui viennent de où? J'en ai 2 grands garçons qui viennent de la Russie. Et ensuite, j'ai 4 plus jeunes qui viennent du Vietnam. Wow. Et puis, dans le fond, quel âge ont-ils, ces enfants? Ils ont aujourd'hui 18, 17, ensuite 12, 9, 7 et 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'adoption? Bien, moi, avant d'adopter ces enfants-là, je voulais d'abord avoir une grosse famille et j'ai eu 2 enfants biologiques, une grande fille qui a maintenant 21 ans et un grand garçon qui en a 19. Et puis, rendu au 3e, bien, le moule semblait comme cassé. Alors, on a été à travers toutes sortes d'expériences difficiles de conception. Et puis, un bon jour, on a eu une illumination et puis on a dit, ah ben let's go, on laisse tomber ça, on va rester en santé et puis on va plutôt prendre des enfants qui sont déjà tout faits, mais qui ont des problèmes, qui ont besoin d'un papa et d'une maman, et ça donne bien, eux autres, ils ont besoin d'un papa et d'une maman. Et nous autres, on est un papa et une maman qui avons besoin d'enfants. Alors, on va combler les deux. Hein? Exactement. Ça a été, comme je te dis, une illumination. Et depuis ce temps-là, ben ça n'a jamais arrêté. Là. À un moment donné, il va falloir penser à arrêter ça. Là. Mais en tout cas... Vous êtes allé vers l'international. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller adopter à l'extérieur du Québec? Oh, ben, à l'époque, on avait entendu dire qu'au Québec, c'était long, difficile et... je ne sais pas trop. On était attirés par l'international aussi pour le travail et pour toutes sortes de choses. Fait que dans le fond, c'était comme une belle option. Une belle option. Ça nous attirait plus qu'adopter au Québec. Oui. Vous avez adopté au Vietnam. Pouvez-vous nous parler un peu des enfants qui viennent de là? Leur particularité? Ben, vous avez aussi adopté en Russie. Qu'est-ce qui les différencie? D'abord, au Vietnam, ce qu'il y a de particulier, on se mêle un peu avec la Chine. Il n'y a pas une question de sélection de sexe là-bas du tout, du tout. Ce qui motive, dans le fond, les parents à laisser abandonner, j'aime pas le mot abandonner, mais à donner leurs enfants en adoption, c'est le fait que c'est très, très, très pauvre. Il y a aussi le fait que la maternité hors mariage là-bas, c'est pas du tout accepté. Là, les filles à qui ça arrive sont bannies du village. Tu reviens pas avec un enfant, ça a pas de bon sens si t'es pas mariée, etc. Alors, dans le fond, c'est ça qui motive le fait là, que les mamans là-bas vont rendre leurs enfants disponibles à l'adoption. Et puis, effectivement, quand on va là-bas, on constate la grande pauvreté et... Parce que c'est ça, vous avez été là-bas sur place pour aller chercher les enfants? Oui, il faut y aller à chaque fois. On est allé 4 fois. La dernière fois, ça fait pas tout à fait 2 ans. Oui, il faut y aller à toutes les fois. Et à toutes les fois, c'est un processus. Le processus d'adoption, on repart à zéro. Là. C'est pas parce que tu as adopté une fois que la deuxième fois, ça se fait en claquant des doigts. Faut recommencer à partir de zéro. Alors, on aimerait en connaître plus sur cette expérience que l'adoption. Vous avez, lors de l'adoption de votre premier enfant, quelle réorganisation familiale cela a-t-il exigé? Bien, d'abord, je pense que la grande histoire d'amour, d'accueillir un nouvel enfant dans la famille, ça commence bien avant que l'enfant arrive. Ça commence même avant que tu prépares ton dossier d'adoption. Ça commence par prendre la décision. Puis ces décisions-là, c'est pas des décisions papa-maman, là. C'est des décisions familiales. C'est des décisions qui se prennent avec les enfants. En commençant, il faut que ça se fasse. Quand tu commences à y penser, quand tu commences à sentir un souffle de ton cœur qui te parle d'un petit enfant à adopter, c'est quelque chose qu'il faut que soit partagé avec l'ensemble de la famille au tout début du processus. C'est sûr que les enfants, des fois, ils voient pas tous les aspects, on en discute, on en vient à un cheminement, ça prend le temps de mûrir, ces projets-là. Pour des fois, dépendant du vécu de la famille, ben c'est plus long à mûrir que d'autres, mais c'est comme ça que ça se commence. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que le plus possible, quand on est parti finalement en voyage pour aller chercher l'enfant, très souvent, il y a un grand qui nous a accompagnés. Dans les 3 dernières adoptions, ça a été ça. Ça crée vraiment des liens privilégiés entre les enfants. Alors, est-ce que les relations avec les enfants biologiques se sont bien déroulées dès le début? Comment se sont-ils adaptés? Ouais, ben moi je pense que la recette gagnante, c'est ça, c'est quand ils sont impliqués du début, puis que c'est leur désir à eux autres aussi d'accueillir un petit frère ou une petite sœur. C'est quelque chose qui est très très très aidant. Le fait aussi de venir à l'étranger pour chercher ce petit frère ou cette petite sœur là, ils sentent, faut qu'ils soient, dans le fond c'est ça la recette, les impliquer. Faut qu'ils soient impliqués. Exactement. Là, à ce moment-là, c'est plus seulement le désir de papa-maman, c'est le désir du grand frère et de la grande sœur aussi. Mais il y a quelque chose qui est important à respecter, que nous autres, on nous a dit à chaque fois et que j'ai réentendu parler à de nombreuses reprises après, une considération, c'est que l'enfant, c'est important qu'il ne perde pas son rang dans la famille. Donc, le principe, c'est d'adopter toujours un enfant qui est plus jeune que le plus jeune, dans le fond. Mm-hmm. Fait que si t'es dans le fond, faut pas qu'il arrive un grand frère ou une grande sœur. Faut que c'est absolument que ça soit un petit frère ou une petite sœur. Les enfants sont, en tout cas les miens, c'était comme ça là. Ils étaient bien plus heureux de perdre leur statut de bébé lala, mais ils voulaient pas perdre leur statut de grand frère, grande sœur. Alors ça a été comme aussi un autre élément facilitant, si on veut là. Donc en étant impliqués, ils ont plutôt servi de modèle que d'être en conflit avec ces enfants qui. C'est ça. Ils se sentaient effectivement un modèle, ils se sentaient une responsabilité, ils se sentaient comme le leader d'une certaine façon face aux tout petits qui s'en venaient là, ou qui arrivaient. Comment s'en déroulaient les adoptions en Russie? En Russie, en Russie c'est difficile, c'est plus des... il y a aussi des conséquences, pas des conséquences, je veux dire, mais des causes économiques. Mais il y a toutes sortes d'autres choses en Russie. Il y a beaucoup d'alcoolisme, il y a beaucoup de violence. Fait que ça, en Russie, c'est beaucoup plus difficile. Les enfants vietnamiens, par contre, ce sont des petits trésors incroyables. C'est des petites bombes d'amour. C'est des coffres au trésor que la serrure ne tient plus parce que le couvert lève tout seul. Là. Mais comment avez-vous eu des difficultés particulières ou des défis à surmonter, des moments qui ont été... ardues à passer par rapport à l'adoption? Bon, il y a une caractéristique du Vietnam. Bon, je vous ai dit tantôt que c'était très pauvre. Bien, souvent, les orphelins, dans leur petite enfance, très, très jeune enfance, quelques mois d'âge de vie, ils ont manqué pas d'affection, pas de nourriture. Ça, des bras, il y en a beaucoup là-bas. Il y en a beaucoup parce qu'ils ils font souvent un pairage entre les orphelinats et les personnes les maisons de personnes âgées. Alors, il y a beaucoup de bras pour garder les enfants, pour prendre les enfants, bercer, chanter, etc. Par contre, ils n'ont rien à manger. Beaucoup d'enfants vont être mis au solide seulement à l'âge de 6 mois, puis ils vont manger du riz au riz. C'est du riz à rien, là. Fait qu'il y a, au niveau alimentaire, c'est un problème. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui ont des problèmes, des problèmes en tout cas, qui ont un retard de développement qui peut se rattraper en partie quand ils arrivent au pays ici, là. Mais des fois, ils restent avec un petit quelque chose. Des fois, quand tu es un garçon, je me dis, moi, j'ai mon garçon qui va grandir, là, puis qui va arriver à 14-15 ans, puis qui va vouloir aimer à cet âge-là, mesurer 5 pieds 8, 5 pieds 9. Ben non, regarde, lui, s'il fait 5 pieds 8 à l'âge adulte, ça va être beau, là. Ça fera jamais un 6 pieds 2, 200 livres, là. Ouais. De ces enfants-là, en fait, on voudrait savoir aussi comment est-ce qu'eux vivent. Les enfants adoptés, comment vivent-ils le fait qu'ils sont adoptés? Les enfants ont une capacité d'adaptation assez surprenante. D'abord, une question qu'on se fait poser souvent, c'est la langue. Mais la langue, les enfants, au bout de 2 jours, ils comprennent parfaitement ton non-verbal. Au bout de 2 semaines, ils comprennent parfaitement ton verbal. Puis, dépendant de l'âge où ils apprennent à parler, là, mais ils vont apprendre à parler le français très, très, très rapidement. Fait que ça, c'est déjà un bout d'adaptation. En général, ils vont transférer leur potentiel d'amour de leur nounou ou des employés de l'orphelinat ou des personnes âgées qui s'occupaient d'eux autres à l'orphelinat. Ils vont transférer ça à une nouvelle figure adulte, parentale. Est-il justement de la mémoire de leur passé à ces enfants-là quand ils arrivent à 3 ans? Vous en avez eu jusqu'à 3 ans, qui sont arrivés à peu près jusqu'à 3 ans? J'en ai qui sont arrivés à 3 ans, 3 ans et demi et 4 ans. Règle générale, là, pour mon hypothèse personnelle, c'est que pour faciliter leur intégration, pour... s'intégrer, s'adapter mieux, plus vite, rapidement à la famille puis au Québec, ils font comme tout oublier volontairement ou involontairement ce qu'ils ont vécu avant. Ils vont refuser de parler la langue, ils vont refuser de parler de leurs expériences passées, ils vont comme faire une croix là-dessus pendant un bon bout de temps. Ma théorie, c'est ça. C'est que ces autres, ça leur facilite leur adaptation. Donc, ils n'en parlent pas. Ils parlent pas de ce qu'ils ont vécu avant. Ils vont faire semblant qu'ils sont nés au Québec. Oui. Pour s'adapter, pour faire partie, pour l'appartenance aussi. Peut-être, oui. Probablement pour ça. On peut supposer. Oui. Embarque dans le train, puis on pense plus au passé. On fait une croix là-dessus, puis on va vers l'avant. Et puis, on peut se poser la question aussi, quel est le regard des autres? Par exemple, vous allez au restaurant. À quoi ça ressemble? Ben d'abord, au restaurant, étant donné que tu arrives à 2 adultes avec 8 enfants, peu importe. Déjà là, ça fait. Si les traits sont étrangers ou non, on te regarde un petit peu du coin de l'œil. Mais comment je te dirais, moi, là, comme mère et mon chum aussi, ça y est arrivé, ça nous a dérangé. Ça nous a dérangé. On l'a remarqué, peut-être les 2 premières semaines. quand on a adopté le premier enfant qui avait des traits distinctifs. Je te dis ça parce qu'en Russie, ils n'ont pas de traits distinctifs avec nous autres. Fait qu'enfant adopté de la Russie, ça paraît pas qu'ils sont adoptés. Mm-hmm. Mon garçon adopté de la Russie, il ressemble à mon chum plus que son propre fils. Fait que, mais quand tu arrives avec un Vietnamien, regarde là, il n'y a pas d'erreur. Là, deux parents québécois puis des traits vietnamiens, c'est bien sûr que c'est un enfant adopté. Alors, tu te fais regarder, tu t'en aperçois les deux premières semaines, puis après ça, tu t'en aperçois plus. C'est comme normal. Il y a aussi le fait que, chez nous, dans la famille, c'est drôle à dire, là, mais... J'ai deux enfants biologiques, j'ai six enfants adoptés. Alors, pour un enfant adopté qui arrive dans la famille, d'être un enfant adopté... C'est la norme. C'est la norme. Oui. C'est d'être un enfant biologique qui n'est pas la norme. Alors, ça aussi, c'est quelque chose, j'imagine, qui est facilitant pour les enfants. Mais le regard des autres, dans le fond, ça ne nous dérange pas longtemps. Quand tu reçois ce que tu reçois habituellement d'un enfant en termes de liens, d'attachement, tout ça. Tu vois plus tellement les interrogations dans les yeux des autres. Est-ce que l'attachement est quand même facile? Est-ce que ces enfants-là ont quand même une ouverture ou ont-ils une difficulté à s'attacher ou plutôt sont-ils reconnaissants et heureux d'être où ils sont? Ben moi, je suis pas spécialiste de l'attachement, mais je peux te parler de mon expérience personnelle. Oui. Les enfants, là, je me dis, moi, ceux que j'ai adoptés, plus ils ont aimé tout petit, plus ils ont été cajolés, plus on a pris soin d'eux autres tout petit, plus ça a été facile après ça. C'est comme si ils ont développé quelque chose et puis ne font que transférer sur la nouvelle personne qui apparaît dans leur vie puis qui prend la responsabilité d'être un parent. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est déjà bâti. C'est comme si la maison est déjà bâtie, tu fais juste la déménager. Alors que des enfants qui ont eu un petit peu moins de bras, un petit peu moins d'attention, pour eux autres, c'est plus difficile, je pense, parce qu'il y a moins de choses à déménager. Ils ont moins d'attachement à transférer sur le nouveau parent. C'est à bâtir, c'est à bâtir. Mais l'adaptation est différente de l'un à l'autre. C'est comme pour la naissance, il n'y a pas un enfant qui vient avec son mode d'emploi. On apprend à chaque fois. Ils sont tous différents. C'est probablement pour ça qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Ça ferait trop de papier. Alors, voilà. Peut-on aimer un enfant adopté autant que son enfant biologique? Il y a quelque chose de particulier par rapport aux enfants adoptés. Les enfants biologiques, les miens, ils ont été désirés, mais ils peuvent jamais être autant... Non, c'est pas vrai. Ils peuvent être autant désirés, mais un enfant adopté, c'est sûr qu'il a été désiré. Et d'abord, l'accouchement va durer beaucoup plus longtemps que 9 mois. Alors, c'est sûr qu'il a été réfléchi, désiré, attendu. Des enfants adoptés, comment je te dirais, ça part tellement de loin en termes de temps, puis en termes de motivation, puis de désir d'enfant, et que tu peux pas ne pas aimer ton enfant adopté, ça se peut pas, là. Oui. En tout cas, à moins d'avoir vraiment une grosse désillusion, mais... c'est peut-être... Moi, c'est une question que je me suis posée avant d'adopter la première fois. Étant donné que j'avais déjà des enfants biologiques, je me suis demandé, est-ce que je vais être capable d'aimer un enfant adopté autant que les deux là, qui sont déjà mon corps et mon sang et mon... Oui, parce qu'en tant que sage-femme, c'est l'attachement, dès le début, le peau à peau, le fait d'avoir l'enfant en soi est très important. Oui, mais je pense qu'on arrive sensiblement au même résultat, mais par un autre chemin. Avec un enfant adopté, c'est autre chose. Le pot à pot, il se fait peut-être à distance, Québec-Vietnam, tu sais. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Le fait aussi, c'est que la préparation de la mère puis la préparation du père, quand c'est une adoption, le papa et la maman sont sur la même longueur d'onde. Oui, contrairement à une grossesse, le papa, il est comme... Tu sais, ça se passe pas dans son corps à lui. Ça se concrétise à l'accouchement. C'est ça. Ça se fait, pour le père et la mère, ça se fait pas de la même façon quand tu portent un enfant. Mais quand t'en adoptes un, les deux processus des deux parents se font, d'après moi, beaucoup plus, sont beaucoup plus similaires. Fait que dans le fond, l'enfant, quand ils te le mettent dans les bras la première fois, c'est très, très émouvant. Moi, j'ai pleuré bien plus aux adoptions que quand j'ai mis mes enfants au monde, parce que d'abord, t'as pas mal physiquement, puis t'es pas vraiment fatigué, là. Tu sais, t'es toute là, disponible et accessible, puis c'est une expérience extraordinaire, en tout cas. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir partagé avec nous. Maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question aux deux, à Marie-Josée et à Guylaine. Quelle est l'importance pour vous de s'intéresser justement à la maternité ou aux jeunes enfants à l'international dans votre pratique en tant que future sage-femme? Ben, je peux répondre premièrement. Moi, je trouve que ça va enrichir ma pratique, ben mon être en soi aussi, là. Premièrement, parce que la société québécoise est de plus en plus pluriculturelle. Puis je pense que le fait d'avoir vu différents sons de cloche, différentes expériences, ça va enrichir grandement notre pratique, notre vision de l'autre, nos relations interpersonnelles. Puis aussi, je pense que ça nous prépare, en tout cas, ça me prépare le respect de la différence, tu sais, le respect de l'expérience de l'autre, puis des besoins, comme je disais tout à l'heure, les besoins, les objectifs, les désirs de l'autre qui sont différents, puis que j'accepte. T'sais, j'accepte cette différence-là, puis je suis là pour l'accompagner là-dedans. T'sais. Dans ses besoins. Oui, dans ses besoins, puis ouais. Dans les différences culturelles. Ben moi, je vais virer ta question de bord. Je vais te dire, dans le fond, moi, la formation de sage-femme, mon objectif, c'est quand j'aurai fini mon rôle de mère, que je sois capable d'entreprendre mon rôle de sage-femme. Et puis, à l'étranger, je vais y retourner. L'objectif, c'est d'y retourner avec un organisme de développement humanitaire ou quoi que ce soit. C'est ça l'objectif fondamental pour moi d'entreprendre ce bac-là puis de pratiquer comme sage-femme par la suite. Merci, c'est des beaux rêves, hein? Guylaine étant la doyenne de notre cohorte. Oh, la vieille, ça veut dire ça. Non! Mais c'est beau de voir aussi qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des projets pour aller à l'étranger puis de développer. On enchaîne tout de suite. Merci beaucoup, les filles!